Troisième vue, étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants. Si les progrès de cet enfant vers la civilisation, si mes succès pour les développements de son intelligence ont été jusqu'à présent si lents et si difficiles, je dois m'en prendre surtout aux obstacles sans nombre que j'ai rencontrés pour remplir cette troisième vue. Je lui ai présenté successivement des jouets de toute espèce. Plus d'une fois, pendant des heures entières, je me suis efforcé de lui en faire connaître l'usage, et j'ai vu avec peine que, loin de captiver son attention, ces divers objets finissaient toujours par lui donner de l'impatience tellement qu'il en vint au point de les cacher ou de les détruire quand l'occasion s'en présentait. C'est ainsi qu'après avoir longtemps renfermé dans une chaise percée un jeu de quilles qui lui avait attiré de notre part quelques importunités, il prit un jour, qu'il était seul dans sa chambre, le parti de les entasser dans le foyer devant lequel on le trouva se chauffant avec gaieté à la flamme de ce feu de joie. Cependant, je parvins quelquefois à l'attacher à quelques amusements qui avaient du rapport avec les besoins digestifs. En voici un, par exemple, que je lui procurais souvent à la fin du repas quand je le menais dîner en ville. Je disposais devant lui, sans aucun ordre symétrique et dans une position renversée, plusieurs petits gobelets d'argent sous l'un desquels je plaçais un marron. Bien sûr d'avoir attiré son attention, je les soulevais l'un après l'autre, excepté celui qui renfermait le marron. Après lui avoir ainsi démontré qu'il ne contenait rien et les avoir replacés dans le même ordre, je l'invitai par signe à chercher à son tour. Le premier gobelet sur lequel tombaient ses perquisitions était précisément celui sous lequel j'avais caché la petite récompense due à son attention. Jusque-là, ce n'était qu'un faible effort de mémoire. Mais, insensiblement, je rendais le jeu plus compliqué. Ainsi, après avoir par le même procédé caché un autre marron, je changeais l'ordre de tous les gobelets, d'une manière lente pourtant, afin que, dans cette inversion générale, il lui fût difficile de suivre des yeux et par l'attention celui qui renfermait le précieux dépôt. Je faisais plus. Je chargeais le dessous de deux ou trois de ces gobelets, et son attention, quoique partagée entre ces trois objets, ne les suivait pas moins dans leurs changements respectifs en dirigeant vers eux ses premières perquisitions. Ce n'est pas tout encore, car ce n'était pas là le seul but que je me proposais. Ce jugement n'était tout au plus qu'un calcul de gourmandise. Pour rendre son attention moins animale en quelque sorte, je supprimais de cet amusement tout ce qui avait du rapport avec ses goûts, et l'on ne mettait plus sous les gobelets que des objets non comestibles. Le résultat en était à peu près aussi satisfaisant, et cet exercice ne présentait plus alors qu'un simple jeu de gobelets, non sans avantage pour provoquer de l'attention, du jugement et de la fixité dans ses regards. À l'exception de ces sortes d'amusements qui, comme celui-là, se liait à ses besoins, il ne m'a pas été possible de lui inspirer du goût pour ceux de son âge. Je suis presque certain que, si je l'avais pu, j'en aurais retiré de grands succès. Et c'est une idée, pour l'intelligence de laquelle il faut qu'on se souvienne, de l'influence puissante qu'ont sur les premiers développements de la pensée les jeux de l'enfance autant que les petites voluptés de l'organe du goût. J'ai tout fait aussi pour réveiller ces dernières dispositions au moyen des friandises les plus convoitées par les enfants et dont j'espérais me servir comme de nouveaux moyens de récompense, de punition, d'encouragement et d'instruction. Mais l'aversion qu'il témoigna pour toutes les substances sucrées et pour nommer les plus délicats fut insurmontable. Je crus devoir alors tenter l'usage de mets relevés comme propre à exciter un sens nécessairement émoussé par des aliments grossiers. Je n'y réussis pas mieux, et je lui présentais en vain, dans les moments où il se trouvait pressé par la faim et la soif, des liqueurs fortes et des aliments épicés. Désespérant enfin de pouvoir lui inspirer de nouveaux goûts, je fis valoir le petit nombre de ceux auxquels il se trouvait borné, en les accompagnant de toutes les circonstances accessoires qui pouvaient accroître le plaisir qu'il trouvait à s'y livrer. C'est dans cette intention que je l'ai souvent mené dîner en ville avec moi. Ces jours-là, il y avait à table collection complète de tous ses mets les plus favoris. La première fois qu'il se trouva à pareille fête, ce furent des transports de joie qui allaient presque jusqu'à la frénésie. Sans doute, il pensa qu'il ne souperait pas si bien qu'il venait de dîner, car il ne tint pas à lui qu'il n'emporta le soir, en quittant la maison, un plat de lentilles qu'il avait dérobé à la cuisine. Je m'applaudis de cette première sortie. Je venais de lui procurer un plaisir, je n'avais qu'à le répéter plusieurs fois pour lui donner un besoin. C'est ce que j'effectuai. Je fis plus. J'eus soin de faire précéder ses sorties de certains préparatifs qu'il put remarquer. C'était d'entrer chez lui vers les 4 heures, mon chapeau sur la tête, sa chemise ployée à la main. Bientôt, ses dispositions devinrent pour lui le signal du départ. À peine paraissais-je que j'étais compris. On s'habillait à la hâte et l'on me suivait avec de grands témoignages de contentement. Je ne donne point ce fait comme preuve d'une intelligence supérieure, et il n'est personne qui ne m'objecte que le chien le plus ordinaire en fait au moins autant. Mais en admettant cette égalité morale, on est obligé d'avouer un grand changement, et ceux qui ont vu le sauvage de l'Aveyron lors de son arrivée à Paris savent qu'il était fort inférieur, sous le rapport du discernement, au plus intelligent de nos animaux domestiques. Il m'était impossible, quand je l'emmenais avec moi, de le conduire dans les rues. Il m'aurait fallu aller au trot avec lui, ou user des violences les plus fatigantes pour le faire marcher au pas avec moi. Nous fûmes donc obligés de ne sortir qu'en voiture. Autre plaisir nouveau qu'il attachait de plus en plus à ses fréquentes sorties. En peu de temps, ces jours-là ne furent plus seulement des jours de fête auxquels il se livrait avec la joie la plus vive, ce furent de vrais besoins dont la privation, quand on mettait entre eux un intervalle un peu plus long, le rendait triste, inquiet et capricieux. Quel surcroît de plaisir encore quand ces parties avaient lieu à la campagne. Je l'ai conduit, il n'y a pas longtemps, dans la vallée de Montmorency, à la maison de campagne du citoyen Lachaubossière. C'était un spectacle des plus curieux, et j'oserais dire des plus touchants, de voir la joie qui se peignait dans ses yeux à la vue des coteaux et des bois de cette riante vallée. Il semblait que les portières de la voiture ne pussent suffire à l'avidité de ses regards. Il se penchait tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre, et témoignait la plus vive inquiétude quand les chevaux allaient plus lentement ou venaient à s'arrêter. Il passa 2 jours à cette maison de campagne. Telle y fut l'influence des agents extérieurs de ces bois, de ces collines, dont il ne pouvait rassasier sa vue, qu'il parut plus que jamais impatient et sauvage, et qu'au milieu des prévenances les plus assidues et des soins les plus attachants, il ne paraissait occupé que du désir de prendre la fuite. Entièrement captivé par cette idée dominante, qui absorbait toutes les facultés de son esprit et le sentiment même de ses besoins, il trouvait à peine le temps de manger, et, se levant de table à chaque minute, il courait à la fenêtre pour s'évader dans le parc si elle était ouverte, ou, dans le cas contraire, pour contempler, du moins à travers les carreaux, tous ces objets vers lesquels l'entraînaient irrésistiblement des habitudes encore récentes et peut-être même le souvenir d'une vie indépendante, heureuse et regrettée. Aussi pris-je la résolution de ne plus le soumettre à de pareilles épreuves. Mais pour ne pas le sevrer entièrement de ses goûts champêtres, on continua de le mener promener dans quelques jardins du voisinage, dont les dispositions étroites et régulières n'ont rien de commun avec ces grands paysages dont se compose une nature agreste et qui attache si fortement l'homme sauvage au lieu de son enfance. Ainsi Madame Guérin le conduit quelquefois au Luxembourg et presque journellement au jardin de l'Observatoire, où les bontés du citoyen Lemery l'ont habitué à aller tous les jours goûter avec du lait. Au moyen de ses nouvelles habitudes, de quelques récréations de son choix, et de tous les bons traitements enfin dont on a environné sa nouvelle existence, il a fini par y prendre goût. De là est né cet attachement assez vif qu'il a pris pour sa gouvernante et qu'il lui témoigne quelquefois de la manière la plus touchante. Ce n'est jamais sans peine qu'il s'en sépare, ni sans des preuves de contentement qu'il la rejoint. Une fois qu'il lui avait échappé dans les rues, il versa, en la revoyant, une grande abondance de larmes. Quelques heures après, il avait encore la respiration haute, entrecoupée et le pouls dans une sorte d'état fébrile. Madame Guérin, lui ayant alors adressé quelques reproches, il en traduisit si bien le ton qu'il se remit à pleurer. L'amitié qu'il a pour moi est beaucoup plus faible, et cela doit être ainsi. Les soins que prend de lui Madame Guérin sont tous de nature à être appréciés sur le champ, et ceux que je lui donne ne sont pour lui d'aucune utilité sensible. Cette différence est si véritablement due à la cause que j'indique que j'ai mes heures pour être bien reçu. Ce sont celles que jamais je n'employais à son instruction. Que je me rende chez lui, par exemple, à l'entrée de la nuit, lorsqu'il vient de se coucher, son premier mouvement est de se mettre sur son séant pour que je l'embrasse, puis de m'attirer à lui en me saisissant le bras et en me faisant asseoir sur son lit. Ordinairement, alors, il me prend la main, la porte sur ses yeux, sur son front, sur l'occiput, et me la tient avec la sienne assez longtemps appliquée sur ses parties. D'autres fois, il se lève en riant aux éclats et se place vis-à-vis de moi pour me caresser les genoux à sa manière, qui consiste à me les palper, à me les masser fortement dans tous les sens et pendant plusieurs minutes, et puis, dans quelques cas, d'y appliquer ses lèvres à deux ou trois reprises. On en dira ce qu'on voudra, mais j'avouerai que je me prête sans façon à tous ces enfantillages. Peut-être serais-je entendu, si l'on se souvient de l'influence majeure qu'ont sur l'esprit de l'enfant, ces complaisances inébusables, ces petits riens officieux que la nature a mis dans le cœur d'une mère, qui font éclore les premiers sourires et naître les premières joies de la vie.